L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Histoire de l'énergie. Contrairement à ceux qui croient que l'argent est une richesse, alors que ce n'est qu'un moyen d'en avoir, il faut savoir que l'énergie est la base essentielle de notre économie. En effet, nous avons en tête les révolutions technologiques, comme le domptage du feu, puis de l'animal, puis celui de l'énergie fournie par le soleil et l'eau, puis celui des énergies fossiles, enfin l'évolution vers la science des isotopes, c'est-à-dire le nucléaire, ce qui constitue la matière. Pourquoi l'énergie ? Il convient d'abord de dire que toutes les énergies dont nous disposons sont naturelles et que la nature contient aussi l'ensemble de l'univers, que nous essayons maintenant de maîtriser. L'humain ne fait que manipuler la nature grâce à la science et à sa créativité. Ensuite, nous ne pouvons être nombreux sur la planète que grâce aux énergies permettant de chauffer pour empêcher les maladies, maîtriser la nature avec les outils industriels et la science, nous donner du temps pour réfléchir afin de faire évoluer notre science et notre industrie. Ainsi, on peut dire que notre économie est basée sur l'énergie, pas sur l'argent. En effet, les atomes composant la matière sont de l'énergie inerte. Le feu. Au départ, nous avions besoin de grands espaces pour nous nourrir car nous vivions de la chasse puis de la cueillette. La chasse sans l'énergie fournie par le feu ne permettait pas de survivre suffisamment longtemps, car le feu nous permettait de chauffer les aliments afin de les conserver plus longtemps. Nous nous sommes vite sédentarisés avec la cueillette, mais nos premières villes étaient minuscules car il fallait à l'époque une surface de 10 km² par habitant pour survivre grâce au feu. Les énergies de la biomasse, que nous évaluons à 4000 en production d'énergie théorique avec l'utilisation du feu, nous ont permis de connaître un premier bond. La maîtrise de la faune et de la flore. L'irrigation et l'élevage nous ont alors permis d'augmenter les gains par surface. Puis l'écriture permit de mettre par écrit les réflexions de nos scientifiques et penseurs en Afrique. Puis, ailleurs, certains comme Aristote ont défini que la démocratie réelle, donc participative, permet d'optimiser une société pour servir l'humain. Les Grecs ont ainsi défini qu'une société basée sur l'esclavage des personnes ne sert pas l'humain, court donc à sa perte. Ainsi, les esclaves ne créent pas suffisamment de travail pour le reste de la population, entraînant les famines et une implosion de la société. L'énergie du soleil. Il faut savoir que d'après les scientifiques et le livre définissant l'économie de Lennon Larouche, l'énergie fournie par le soleil est de 0,2 kW par mètre carré. Le moulin à vent fut ainsi une bonne invention car il permit de maîtriser une partie de l'énergie fournie par le soleil. Cette énergie était directement transformée en travail d'outils qui n'avaient pas besoin de fonctionner à plein temps. Ainsi, le pain est depuis plus facilement assimilé. Alors, une éolienne ne pourra pas fournir un travail aussi optimisé qu'un moulin à vent de la même époque. En effet, une éolienne va transformer le vent en électricité, elle-même de nouveau transformée en travail d'outils ou en chaleur. Le photovoltaïque que l'État surfinance en 2011 est en lui-même pire que les agrocarburants. En effet, au moins avec les agrocarburants, il y a des plantes, alors que les panneaux photovoltaïques remplacent ces plantes. Ainsi, les serres solaires coûteuses, mises en place par des rentiers, empêchent aux plantes qui sont à l'intérieur de pousser au mieux. En plus, le coût en énergie d'un panneau photovoltaïque est considérable, alors que, rappelons-le, l'énergie fournie par le soleil est de 0,2 kW par mètre carré. Enfin, comme les éoliennes, il est préférable d'utiliser des fours solaires ou bien des panneaux solaires à eau chaude, pourtant peu efficaces, plutôt que de passer par l'intermédiaire électricité. Les moteurs. À l'époque de la première révolution industrielle, nous avons trouvé des sources d'énergie plus denses que la biomasse, comme le charbon de valeur 8000 à la première révolution industrielle, puis le pétrole de valeur 11000, ensuite la liquéfaction du gaz de valeur 12500. Le charbon, qui a pourtant permis moins d'esclavagisme, est très polluant et radioactif avec le carbone 14. Il a pour vocation à remplacer le nucléaire selon les pseudo-écologistes. En effet, les énergies solaires ont besoin du charbon pour les moments où le soleil n'est pas présent suffisamment. Les moteurs à explosion ont alors permis de mieux maîtriser la nature. On a ainsi pu réaliser des grands travaux permettant de stocker l'eau puis de s'en servir en inventant l'hydroélectricité. L'ensemble des barrages que nous avons construits ont alors apporté à la nature une expansion sans précédent. Il est à noter qu'il reste encore des grands travaux à effectuer, notamment celui consistant à rediriger les grands fleuves allant directement vers la mer ou vers les déserts, servant actuellement et pour certains à l'élevage malheureusement. La fission puis la fusion. En 1942 a été découverte la fission de l'uranium de valeur 1 milliard Elle a donc eu vocation à être utilisée ensuite. Cette énergie n'est pas suffisamment dense et stable comparée à la fission de thorium-uranium, qui aurait pu être utilisée dès le début des réacteurs nucléaires civils. Lyndon LaRouche est scientifique et économiste américain, ayant déterminé la crise d'aujourd'hui dès les années 1950, indique que le nucléaire est certes coûteux pour la création de réacteurs, mais que l'énergie provenant des atomes, et non plus des liaisons au sein des molécules, permet de dégager une énergie considérable, permettant suffisamment d'énergie non seulement pour le travail de nos outils, mais aussi de notre chauffage. Sachant que la science des isotopes et donc des atomes est plus productive en énergie que la science des liaisons chimiques et des molécules, nous pouvons donc disposer d'une énergie considérable en cassant, voire en fusionnant les atomes. Les écologistes sont d'accord pour dire que la fusion est écologique. Seulement, ce que beaucoup nous disent ou ne savent pas, c'est que les étapes qui mènent vers la fusion permettront de brûler les déchets des centrales de la génération précédente. C'est pour cela que l'on dit que les EPR ne créent pas de nouvelle génération de centrales. Ces centrales sont des centrales à uranium. La fission nucléaire aurait dû être celle du thorium, 4 fois plus présent que l'uranium, permettant des centrales ayant existé, produisant 4 fois moins de déchets, 100 à 10 000 fois moins durables pour la plupart. Ces centrales au thorium ont été testées dans les années 1960 à Oak Ridge pendant 4 ans. Déjà, les réacteurs à sel fondu existaient et permettaient moins de risques. Ainsi, les centrales de génération suivante pourront être arrêtées beaucoup plus facilement qu'actuellement. Le thorium aurait dû être un choix orientant nos pays vers la paix. La fission a pour seul objectif la mise en place de la fusion nucléaire par l'hydrogène, voire par l'hélium-3 ou le deutérium, permettant alors de brûler les déchets de la fission nucléaire. Les déchets nucléaires peuvent en fait redevenir stables avec le projet belge MIRA, les lasers des prix Nobel de physique 2018. Autrement dit, des déchets peuvent retrouver une forme normale. L'énergie du thorium est la plus stable que l'on connaisse. Les réacteurs au thorium tels que le Mini-Fuji et un vieux projet allemand peuvent être arrêtés en produisant moins de déchets, voire en recyclant des déchets. L'énergie nucléaire est utilisée au tiers. Cependant, les deux tiers restants permettraient de chauffer les villes avec une perte minime. On pourrait aussi recharger les voitures à hydrogène ou à pile à combustible. La technologie permet maintenant cela. Le thorium-uranium permettrait de réutiliser les bombes atomiques pour produire de l'énergie avec le plutonium. Mieux, il permettrait cette fois-ci d'améliorer la nature en verdissant les déserts, avec notamment la désalinisation de l'eau de mer près des côtes et le pompage en masse au-dessus du Sahara. En effet, de l'eau passe en dessous du Sahara pour aller dans la mer. Il n'est donc en aucune manière question de baisser la production d'énergie, par ailleurs propre avec le thorium et MIRA, avec aussi les lasers des prix Nobel de physique 2018. Pourtant, la population mondiale peut encore monter à 25 milliards d'individus au moins. Pourtant, la dépopulation a commencé et les courbes démographiques fléchissent. La finance est en train de créer un génocide en revenant à des énergies moins denses parce qu'on sait comment utiles. Le danger du plutonium. En découvrant de nouveaux isotopes radioactifs dans les années 1960, les chercheurs ont été orientés vers la production du plutonium, le déchet permettant l'arme nucléaire, aujourd'hui inutile parce que la plupart des pays puissants l'ont. Nos politiques, agissant d'ailleurs plutôt comme des enfants, ne comprennent pas les dangers de cette puissance. Ou bien ils ne les connaissent pas qu'après y avoir réfléchi comme Paul Killes. Paul Killes indique que le désarmement nucléaire implique une coopération active entre les pays, basée sur l'utopie, cheminade par le développement et d'espace. Transformation d'énergie. Nous transformons des énergies vers d'autres énergies afin de pouvoir les utiliser. Il y a de la perte à chaque conversion. Le nucléaire permet de faire ce qu'on faisait déjà, avec des possibilités supplémentaires. Le thermique est central dans l'utilisation d'énergie. On peut passer d'une énergie à l'autre avec des pertes. Le chimique, la mécanique et le nucléaire permettent par exemple de créer de l'électrique, pas en quantité équivalente. L'électrique est réutilisé vers d'autres énergies. La production d'énergie et la croissance sont intimement liées. Les sources d'énergie de plus longue durée de vie sont l'uranium avec 300 ans de durée, le charbon avec 800 ans de durée pour l'instant et le thorium-uranium avec une durée de vie de 10 000 ans si on la mettait en place dès maintenant. Ces énergies pourront ensuite être remplacées par la fusion. La torche à fusion permettra de recycler les déchets très facilement. Source Wikipédia, cycle du thorium. Solidarité pour rêve, alors vous voulez tout savoir sur l'économie. Espace des sciences, les mardis de l'espace des sciences, l'énergie nucléaire, de la production d'électricité à la gestion des déchets. GeoWiki, Monazit, MinData, Monazit. Mes notes, faites des recherches sur le thorium. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux, Bellicas à SRM.